الجزائر باش ناكلو، مي ما يبقاش ديكم في الجنوب. كنعاود لك Après, je te dis, je dois passer vers le bout. toute part du monde. Merci à toi, à demain.